parfum de Paris. À ma folle étiquette, oh, du duc de Richard, ça sent la violette. Si le duc survenait, il verrait son portrait et celui de son père. Il s'enorgueillirait. Chut! Voici l'impératrice! Je vous présente, amis, ma nouvelle lectrice. Vous plaît-il de l'écouter ensemble dans ce salon? Oh, j'en serai ravi. Franz se guérit donc de ses livres aimés. Si Thérèse veut prendre les livres d'autrui, nous serons sûrs de ton poète français. Il est dégoûtant. Dangereux, le sujet prêt aux allusions. Je C'est le cours de tactique. Je vous soumets un plan, faites-moi la critique. Attends, prends dans ce coin, tu vois, la grande pointe où sont tous mes soldats de bois. Française aujourd'hui, d'où vient qu'on ne voit pas l'Autriche bien? Ils ont fui! Vraiment, bien, emporter ces jetés, ces soldats, on en rapportera de neuf. Je n'en veux pas! Sachez que l'ironie est fort peu de mon gré. Taisez-vous, monseigneur, je vous les repeindrai. Car j'amène un ami, le maréchal Marmont. cela, mon seigneur, je serai revenu. Bien d'autres l'ont trahi, croyant servir la France, mais tous ils l'ont revu. Voilà la différence, oui, tous étaient repris, et je le suis ce soir. Parce que je viens de le revoir. Comment ? Là, dans le front, dans la fureur du geste, dans l'œil étincelant, insultez-moi. Jean-Pierre Séraphin Flambeau, dites le flambard, ex-sergent grenadier, félite de la garde, et de papa breton, et de maman picarde. Bataille Austerlitz, Elo, Samosera, Eckmühl, Eckstein, Wagram, Smolens, etc. Fait d'armes, 32. Blessures, quelques-unes. Ne s'est battu que pour la gloire et pour des prunes. Vous n'allez pas ainsi, écoutez jusqu'au bout. Oui, vous avez raison. Altesse agrandit. Un poste dangereux était à prendre là. Avec de faux papiers, je file et me voilà. Venez faire remettre un petit empereur. Partez, partez, c'est à Paris que tout se légalise. Mais que faire pour y rentrer? Votre valise. Hélas. Non, pas d'hélas. C'est aujourd'hui le 9, le 15. Nous pouvons être sur le pont neuf. Pardon, je ne veux pas qu'un marmot se consacre. Je vous obéirai, monsieur, après le sacre. C'est en ciel, canaille, a tout à fait raison. Oh, est-ce pour vous? Elles sont immortelles. Ce sont des bretelles pour gens cossus. Regardez ce qu'il y a dessus. Portrait. Monseigneur, acceptez une prise sur la tabatière, une tête qui frise. Et comment trouvez-vous la pipe? Je ne dirai pas que vous n'êtes pas beau. L'assiette, le couteau, le bord de serviette. Monseigneur est servi. Flambeau! Ah, vous pleurez, montre un petit bonheur. Essuyez-vous les yeux avec le roi de Rome. Avec les maréchaux, rentrez et vous verrez ton Paris. Et près de vous, entendons les chants de Béranger. Oui, oui, je veux te dire. Je vous vois ainsi.